Tu es à présent sur British Connection, la dernière aventure du monde civilisé, et tu n'en sortiras pas vivant. Bonjour, mon nom est Pierre Sauvanet, j'aimerais vous parler d'un groupe, ou d'une sorte de groupe, qui s'appelle The Durity Column. L'histoire est bien connue, des fans du moins. Fin 1979, Ian Curtis, le chanteur de Joy Division, passe des heures à coller manuellement un millier de pochettes du premier disque de The Durity Column. Les deux groupes viennent de signer sur le nouveau label anglais Factory. Il se suicidera quelques mois plus tard. Précision, cette fameuse pochette est en papier de verre, faite, dit-on, pour détruire les disques voisins. D'après une idée, dit-on encore, du situationniste Guy Debord, qui avait déjà couvert de la sorte les exemplaires de ses mémoires 20 ans auparavant. L'album en question, The Return of the Durity Column, est devenu mythique pour ces deux raisons au moins, sa musique et sa pochette. Sa pochette et sa musique. Prenons le disque entre les mains et regardons ce qu'il y a écrit avant de l'écouter. The Durity Column is Vinnie Reilly on guitar and Martin Annett on switches. Durity Column, c'est Vinnie Reilly à la guitare et le producteur, donc Martin Annett aux manettes, rime très riche en français. Le triangle magique, c'est le travail musical de Vinnie Reilly, le travail sonore de Martin Annett, le travail visionnaire de Tony Wilson. Il y a le faire et le savoir-faire, mais il y a aussi le faire sonner, le faire voir et le faire savoir. La composition, la production, la promotion. Ôter un seul côté de ce triangle et l'album The Return of the Durity Column s'écroule. Dans l'histoire de la pop et du rock, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désole, la promotion et la production comptent au moins autant que la musique elle-même. Et puis, il y a marqué aussi, je traduis, merci à Robotham, Reed et Debord pour le concept marketing. Qui est ce Jamie Reed? C'est le graphiste britannique qu'on associe habituellement à l'esthétique du mouvement punk en 77, avec une économie de moyens caractéristique, il travaille souvent à partir de collages de lettres découpées dans les journaux à la manière d'une demande de rançon anonyme. Tout le monde voit les pochettes des Sex Pistols. C'est lui qui aurait présenté à Tony Wilson, le fondateur de Factory, et le producteur de Durity Column, une copie recouverte en papier de verre des mémoires de Guy Debord. Mieux encore, Jamie Reed aurait voulu intituler le premier album des Sex Pistols non pas Nevermind the Bollocks, mais Where is the Durity Column? Si cette hypothèse est la bonne, il est tout de même incroyable que le disque phare de Durity Column apparaisse finalement comme un succès d'année des Sex Pistols, aussi bien pour le nom que pour la pochette. Alors que tout, absolument tout, les oppose du point de vue de la musique. Faites-vous-même l'expérience et écoutons ensemble le premier titre du premier disque Sketch for Summer sur The Return of the Durity Column. Thank you. Enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Sur les radios rock. Ici, tout commence par une histoire d'oiseaux. On ne sait pas bien au début qui ils sont ni pourquoi ils sont là, mais ils sont bientôt rejoints par une batterie et une guitare sans basse, au rythme et à la mélodie particulièrement entêtant. Je ne trouve pas de meilleur mot. C'est trivial, mais cette musique entre dans votre tête pour ne plus en ressortir, le genre de morceau qu'on n'oublie pas après la première écoute. Justement, écoutez bien ce Sketch for Summer qui ouvre le disque The Return of the Dirty Column. Au-delà du charme qui opère, il y a de quoi hésiter entre une batterie, une boîte à rythme, comme entre de vrais oiseaux et un bidouillage électronique. Seule la guitare est bien une guitare, mais passée au filtre de nombreux effets. Vous êtes à la fois ici et ailleurs. Tout est triste et les oiseaux chantent. Ces oiseaux viennent peut-être d'une bande préenregistrée, mais ils sont traités de telle façon qu'ils sonnent comme des oiseaux mécaniques, en subtil phasage et déphasage avec la rythmique. Tel est le choix de Martine Annette, aux commandes de la post-production, après l'enregistrement de la guitare par conséquent. C'est lui qui boucle ses sons mixés en arrière, jusqu'à l'achèvement naturel du morceau. L'année suivante, il reprendra la même idée, pour The Eternal, sur l'album Closer de Joy Division, avec des grillons électriques qui envahissent soudain l'espace sonore, avant de disparaître et de réapparaître à la fin. Dans sa thèse sur le post-punk, Mimi Addon suggère que Martine Annette a peut-être répondu à sa manière à un désir de Vinnie Reilly, qui ne voulait surtout pas de cet horrible son de guitare électrique avec distorsion qu'on entend partout. Influencé par son goût pour le reggae et pour le dub, il aurait alors cherché à utiliser les coplexes pour évoquer le son d'une guitare vaguement hawaïenne, tandis que les chants d'oiseaux renverraient l'image d'une oasis tropicale et que le titre de la chanson pointerait vers un autre climat que celui du nord-ouest de l'Angleterre, quand bien même nous serions au mois d'août à Manchester. La réussite propre de Sketch for Summer viendrait alors de sa capacité à créer un espace sonore imaginaire, une sorte de bulle musicale entraînant l'auditeur vers un ailleurs. N'oublions pas cependant que le son particulier de Vinnie Reilly s'était forgé avant la rencontre avec Martine Annette, qui n'a fait d'une certaine manière que l'amplifier pour lui donner toute sa dimension onirique. On retrouverait alors ce décalage volontaire dans la musique elle-même. Ce n'est pas une chanson punk, c'est même tout l'inverse, puisqu'il n'y a ni chant, ni révolte apparente. Et pourtant, c'est bien un format de chanson sans parole, avec une sorte d'alternance couplet-refrain, et c'est bien une forme subversive, avec sa part d'originalité et de créativité sonore. En 2012, pour le journal Libération, Vinnie Reilly fait cette confidence assez extraordinaire. Je cite « Tony Wilson a aussi trouvé le nom du Ruti Column. Pour nous, le punk était mort dès 1978. On est revenu au concept de base, celui de Malcolm McLaren quand il a créé les Sex Pistols en s'inspirant des situationnistes. Nous avions lu dans un livre de Guy Debord que pendant la guerre civile espagnole, la colonne armée de l'anarchiste Buenaventura Durruti passait à travers les villes en les détruisant pour reconstruire un monde nouveau. Ça correspondait à notre idée. Et ça nous semblait anarchiste de sortir un disque instrumental de musique douce et individualiste dans un contexte où tout le monde écrivait des chansons sur le chômage. » Fin de la citation. Bye. Nous venons d'écouter Sketch for Dawn, le premier titre du deuxième album de The Dirty Column, nommé Elsie, dont Brian Eno lui-même n'hésite pas à dire que c'est son album préféré de tous les temps. Quelle est donc cette musique étrange? Par rapport au label Factory, au contexte général du mouvement dit Manchester, on attend du punk, du rock sauvage, de la new wave en folie et on tombe sur une sorte de jazz indéfinissable, intemporel. Même la catégorie post-punk ne veut rien dire ici. Ou alors, pour faire simple, après les Sex Pistols, c'est le retour des musiciens. The Return of the Dirty Column est le seul disque phare de l'histoire du rock qui sonne comme du jazz. Selon John Frusciante, des Red Hot Chili Peppers, Vinny Rei est le plus grand guitariste au monde. Sans aller jusque-là, il est vrai qu'il y a quelque chose dans cette musique qui sonne de manière inouïe. Le fil conducteur de toute la discographie de The Dirty Column, c'est cet incroyable son de guitare, quasi hypnotique, mélancolique, qui emplit l'espace avec chorus, phaser, réverbération, delay ou écho. Il y a quelque chose de liquide dans le son de Vinny Rei, mais lié à des vibrations permanentes, des tremblements incessants, comme des mini-tourbillons dans un cours d'eau ou des jeux de lumière se reflétant à la surface de l'eau. Notre oreille s'enchante de ces arpèges délicats, de ces dentelles de notes qui créent des décalages subtils, de ces volutes de sons qui s'enroulent sur elles-mêmes et s'évanouissent dans le silence pour mieux renaître l'instant d'après. En même temps, mon propos n'est pas d'analyser la discographie complète de Vinny Rei, qui comporte pas moins d'une trentaine d'albums entre 1980 et 2012, soit un par an en moyenne. Il n'est pas non plus développé la biographie du guitariste, qui vient de faire l'objet par James Nice d'un ouvrage exhaustif en Angleterre sous le titre de The Dirty Column, A Life of Rei. Mon enjeu est autre. Je désire avant tout marquer d'une pierre blanche le premier album, comme un disque phare de sa génération, puis laisser résonner à travers lui les albums suivants des années 80, et enfin interroger à partir d'eux la passion particulière du disque vinyle en général, et de ses pochettes en particulier. J'aimerais produire une esthétique du vinyle, à partir en fait d'un seul disque. Soit par exemple, The Return of the Dirty Column, que ce soit le nom ou la chose, est inséparable d'une histoire du situationnisme. The Return of the Dirty Column est le paradigme de ce qu'il va falloir appeler la pochette-objet. The Return of the Dirty Column ouvre littéralement la décennie des années 80 dans le rock. The Return of the Dirty Column est l'exemple même d'un écart constitutif entre le vinyle et le CD, etc. C'est pourquoi, dans la dernière partie du livre en 33 chapitres parus aux éditions Le Mot et le Reste, je vais m'intéresser au disque vinyle en lui-même, je vais creuser le sillon. Et on se quitte en faisant retour sur le retour de la colonne du Ruti avec le dernier titre de la première face qui s'appelle Conduct. Vinny Rei au guitare, Martin Annette aux manettes, The Dirty Column. British Connection, l'émission rock qui annonce les titres qu'elle diffuse. C'est devenu tellement rare. Thank you. Il y a une femme là-dessous. Non. Il y a une femme là-dessous. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un homme. Un homme? Philippe de British Connection, il vous aura tous. British Connection? Just rock! Just rock! Sensations make me feel the pleasures of a normal man. New sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Jim et William Red vous présentent leur duo Jesus and Mary Chain dans British Connection, Just Like Honey. Toy for you. British Connection, you rock! Allez, on fait une petite pause, les amis. On se retrouve dans un instant pour la deuxième heure de British Connection. Je recevrai le président de l'association Le Cri de la Libellule, où nous parlerons eh bien, du prochain Rockin' Kiosk. C'est samedi prochain, le 19e. Et en plus, il y a une grosse surprise dans British Connection. Allez, à tout de suite. Également, bravo à Super Sport qui a ouvert la soirée. Et également à Imparfait qui vient de nous livrer un set, mais alors, gigantesque. Bravo à eux.